Unité 1, semaine 3 et 4. Informer sur sa famille. C'est le soir. Ma famille est dans le salon. Maman aide mon frère Youssef à préparer son cartable. Papa lit à ma sœur Sana et moi une histoire. C'est une belle soirée.